que je le fais tout seul. J'ai pas besoin d'elle pour souffrir. Qu'on m'injecte une seringue dans le bras. Si je dois mourir pour survivre, dis-moi comment tu veux me comprendre. Je suis incompris par ma mère. C'est la vie qui me crache au visage. Je me sens pas chez moi sur terre.